descendance sera de cendre, percée au courant ruisselant, au berceau dans les méandres, se transformera lentement. Ma descendance sera acide, de la boue au torrent amer, partie pour infiltrer le vide, elle ira boire l'eau de la mer. Descendre n'est pas facile, même si l'on sait construire des ailes. Il faut au bout devenir docile lorsque l'humanité appelle. Descendre n'est pas facile quand on a reconstruit Babel et que tout tient au seul fil, l'histoire qui nous rappelle. Ma descendance sera fragile, des rimes en air compressées. Repaissées sous les doigts agiles de la rendre l'éternité. Ma descendance. Ma descendance nucléaire, aux yeux de chair virtuelle, après avoir vaincu le ciel, se verra rechercher la terre.